n'est pas venu jouer de la cornemuse, cornemuse, cornemuse, ni s'exhiber le torse nu. Hein? Ah! Cette fois-ci, on force le mur, force le mur. C'est du rap par corpus, oh, ça sent la mort. On va twister le cul avec le museau d'un labrador. Ça pue les trafics, les arrestations. Va plumer ta clique, tu vas nous sucer la bite avec passion. C'est du rap par corpus, oh, ça sent la mort. On va twister le cul avec le museau d'un labrador. Ça pue les trafics, les arrestations. Va plumer ta clique, tu vas nous sucer la bite avec passion. Tiens la nuche, v'là les suppôts de Satan. En sponsor avec Emmaüs, sur le corps y'a rien. Juste des gosses précoces avec du whisky d'Écosse. Dans les corps on a rien. Bouillant, brûlant comme les cités corses. Après si t'es proche avant que mon récit t'écorche. J'ai la tête rasée au sabouin. Une patate de rabouin. La police au cul comme les babouins. Viens, viens, on braque à la peau. Je veux des anabos, la coke me rend parano comme Marado. J'écris mes textes avec la main de feu. V'là les Schmitt 22, soirée 22, nique le comico. Moi et les flics, on s'entend pas vite, vite un autorino. Comme Totorina et Provenzano, on mène des vies dangereuses. Ils te perquisent alors que t'as du miel box dans les yeux. C'est du rap par corpus, oh, ça sent la mort. On va twister le cul avec le museau d'un labrador. Ça pue les trafics, les arrestations. Va plumer ta clique, tu vas nous sucer la bite avec passion. C'est du rap par corpus, oh, ça sent la mort. On va twister le cul avec le museau d'un labrador. Ça pue les trafics. Les arrestations, va plumer ta clique, tu vas nous sucer la bite avec passion. Chez nous c'est Vatos, Locos, Mira, Chicanos. Y'a que tes chloroyers qui te refileront le tétanos. On a la hantise de te loger une bastos. Ça finit sans perquise à cause d'un chivatos. Qui dit glitché au lance-pierre à bientôt 30 berges. Le diable n'est jamais loin de celui qui tend le verre. Mourir pour les siens c'est toute une gamberge. Tu vas fumer à part ta branche d'herbe. À l'école on plaint celui qui élève ce cancre. On n'y peut rien, petit frère, lui rêve de banque. Apprenti gangster, futur chef de bande. Dégoûté de ce monde comme ce MC qui cesse de vendre. On n'a pas tous choisi d'être pauvre et honnête. Faut des coronettes pour voir terre régler tes honoraires. Certains sont prêts à s'infiltrer dans ta forteresse. Saisir le magot et péter le dos devant ta Dolores. C'est du rap par corpus, oh, ça sent la mort. On va twister le cul avec le museau d'un labrador. Ça pue les trafics, les arrestations. Va plumer ta clique, tu vas nous sucer la bite avec passion. C'est du rap par corpus, oh, ça sent la mort. On va twister le cul avec le museau d'un labrador. Ça pue les trafics, les arrestations. Va plumer ta clique, tu vas nous sucer la bite avec passion. Faire coûte-t-il l'exta. Si je meurs, tu meurs, c'est pas plus compliqué que ça. On vit de Manu Larsin et de combines extra. Jet Gego, c'est le roi de la compile gangsta. Blair. Pas besoin d'avoir été à Saint-Cyr pour préméditer un assassinat. Ma femme aura son blouson en chinchilla. Mes potes le savent, s'ils ont une galère, je suis là. Il suffit pas de mettre une part par l'autre. On a des propos de barbares, demande à tous ces narvalos. Y'a pas de favoris, on baisse Navarro. Dans nos têtes, c'est Boris Helsing, featuring Soprano. Lâchez pas vos coulos, vatos. Los vatos. On veut que chaque petite sonne comme une grosse bastos. Grosse bastos. On se fait rare comme une dose gratos. Grosse soit bastos. Tu bosses, soit tu schlags, soit tu causes matos. Grosse matos. Encaisse les pulls en terre. Al Capote, Zed Gecko, Farajnikov, on laisse les putes en pleurs. Drive-by en caravane, caravane, caravane, suceuse. C'est du rap par corpus, oh, ça sent la mort. On va twister le cul avec le museau d'un labrador. Ça pue les trafics, les arrestations. Va plumer ta clique, tu vas nous sucer la bite avec passion. C'est du rap par corpus, oh, ça sent la mort. On va twister le cul avec le museau d'un labrador. Ça pue les trafics, les arrestations. Va plumer ta clique, tu vas nous sucer la bite avec passion. Cette Gecko, néo-cro, Génois à la proie. On fait tout avec les moyens du bord. L'instant du bitume, tu le trouves. Néo-cro, l'instant du bitume, c'est ça.